بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أجمعين. Avant de commencer le hadith du jour, petite révision rapide. Donc on avait vu la semaine dernière que il y a On avait vu le hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda » « Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous s'il rompt ses ablutions jusqu'à ce qu'il les fasse, jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. » Et donc on a vu qu'il y a certains savants, un petit groupe des savants, qui voyait du moins que la prière Salat al-Janaza, elle était valide sans les ablutions. Pourquoi ? Il n'y a pas de recours, il n'y a pas de soujoud, et donc pour eux, ce n'est pas une prière. Ils ont dit que ce n'est pas une salat. Ils ont dit en réalité, Salat al-Janaza, c'est une invocation, ce n'est pas une salat, parce qu'il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'inclinaison. Il n'y a pas de soujoud, il n'y a pas de prosternation. Mais en réalité, l'avis le plus juste, et on a dit sur lequel il n'y a nul doute, c'est que les ablutions sont obligatoires pour toutes les prières, même Salat al-Janaza. Pourquoi ? Parce qu'elle s'appelle Salat. C'est une Salat. D'accord ? Et donc, elle rentre dans la généralité du Hadith. Taïb wal-Yawm. Et donc aujourd'hui on va voir un autre hadith, le troisième hadith. L'auteur il nous dit donc an Abi Hurayrata wa Abdullah ibn Amr wa Aisha radiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waylun lil a'qab min an-nar. Et donc l'auteur il nous dit selon Abi Hurayrata et Abdullah ibn Amr et Aisha radiyallahu anhum qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Malheur aux talons délaissés au risque qu'il ne soit touché par le feu. » Malheur aux talons délaissés au risque qu'il ne soit touché par le feu. On va expliquer le hadith, inshallah. Fait awwalan, et donc premièrement, « Unabbihukum ala anna haditha Aisha akhrajahu muslim dun al-Bukhari » Donc, le premier point que je voudrais vous citer, c'est que le hadith de Aïcha, il a été cité dans le recueil de Muslim, mais pas dans le recueil de Al-Bukhari. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la science du hadith, le hadith est lié à un rapporteur, à un compagnon, excusez-moi. Le hadith est lié à un compagnon. Même si il y a plusieurs compagnons qui vont stipuler la même parole, chaque compagnon, c'est un hadith. Et donc ici, l'auteur, quand il nous dit selon Abu Huraira, selon Abdullah ibn Amr, selon Aïcha, on a combien de hadiths ? 3. Pourquoi ? Parce que c'est les savants du hadith, un hadith, c'est un compagnon. Et chacun de ces 3 hadiths a donc les mêmes termes qui sont cités. Donc cette même parole, « Waylun lil aqab min an-nar » ou la même signification. Et le hadith de Aïcha, il n'a pas été cité dans le recueil de Al-Bukhari. Il a été cité dans le recueil de Muslim uniquement. فَهَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الْمُؤَلِّفِ Et donc ce hadith, le hadith de Aïcha, ne respecte pas les conditions de l'auteur. Pourquoi ? Parce qu'on a vu au tout début, le premier cours, أَنَّ الْمُؤَلِّفِ قَصَدَ بِهَذَا الْكِتَابِ الْأَحَدِيثِ الَّتِي اتَّفَقَ عَلَيْهَا الشَّيْخَانِ On a vu que l'auteur, il voulait par ce livre les hadiths qui sont dans le recueil d'Al-Bukhari et Muslim. Les hadiths qui sont dans les deux recueils, pas un des deux. Et donc, le hadith de Aïcha, il est à part. Donc voilà pourquoi, donc pour ceux qui mémorisent, ceux qui ont commencé la mémorisation des hadiths, comprenez bien, lorsque vous allez réciter ce hadith-là, et qu'à la fin vous allez dire « Muttafaqun alayhi », Muttafaqun alayhi, ça c'est pour la version donc de Abu Huraira et Abdullah ibn Amr. Aïcha, c'est Rawahu Muslim. Attention donc, petite nuance. Mais en ce qui concerne la jurisprudence, le fiqh, ça ne va pas changer. D'accord ? C'est juste une information liée au hadith. Deuxième point, ثانياً, أنه جاء في رواية من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في سفر. Et donc il a été rapporté donc dans une des narrations de ce hadith que le prophète il était avec les compagnons durant un voyage. فجعل بعضهم يمسح يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم. Et donc certains d'entre eux ont fait leurs ablutions et ils effleuraient leurs mains sur les pieds. Al-mas'h. Comme on fait sur les chaussons. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rafa'a sawtahu. Il a levé la voix en disant waylun lil a'qab min an-nar. Malheur aux talons délaissés. Al-a'qab, ce qui est voulu par l'a'qab, ce sont les talons délaissés, ceux qui ne sont pas donc mouillés durant les ablutions. Et donc malheur aux talons qu'il ne soit touché par le feu, ou du moins qui risque d'être touché par le feu. فهذا الحديث دليل على غسل الرجلين وقد ذكر النووي الإجماع على ذلك. Et donc ce hadith est une preuve montrant l'obligation de laver les deux pieds. L'obligation donc de laver les deux pieds. Pas de faire le mesh. Pas de les effleurer, mais de les laver. Et l'imam al-Nawawi, al-Hafiz al-Nawawi, il a cité l'unanimité des savants concernant ce sujet. وَلَيْسَ هُنَاكَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ. Et il n'y a pas de hadith authentique concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrant l'aspect légiféré d'effleurer les mains sur les deux pieds directement. Cependant, ce qui a été rapporté, c'est le fait d'effleurer les chaussons et pas les pieds directement. On fait attention à cette nuance. وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا كُنْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Donc le verset lié aux ablutions qu'on a vu plusieurs fois durant les cours précédents, et à la fin de ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala qui cite et passez l'eau sur, passez vos mains donc mouillées sur votre tête, sur vos têtes, et lavez vos pieds. Et lavez vos pieds jusqu'au Ka'bayn. Et donc les savants ils ont utilisé ces preuves pour affirmer l'obligation de laver les deux pieds. Wa khalafa fi hadha man, qui donc a contredit cet avis. Al-Shi'a. Et donc wa khalafa fi hadha Shi'a fa qalu bi mashi al-qadamayn. Et donc les Shi'a ils ont dit que on doit passer les deux mains, on doit effleurer les pieds avec les mains. Daliluhum, quelle est leur preuve? Est-ce qu'ils ont une preuve en cela? Aïwa. Le même verset. Mais au lieu d'avoir une fatha sur arjulakum, ça sera une kasra arjulikum. Et c'est une récitation authentique, correct. Et là, la signification, elle change, ça sera, et donc, effleurez vos pieds. Effleurez vos pieds. Comment on répond à ça? Comment tu réponds? Imagine, tu fais ses ablutions, il y a un chir, il vient dans la mosquée, première fois qu'il vient, il est en voyage. Il te va faire tes ablutions, il te dit, yeah, hey, c'est pas comme ça. Il faut effleurer les pieds, il faut pas. Hein? Le hadith qu'on vient de voir. Mais le verset, comment tu réponds au verset? Mais c'est le même verset. Une fois lavez vos pieds et une autre fois effleurez. Comment on fait? Les chaussons. C'est-à-dire wamsahu et donc el masah birijlain fil aya ay el maqsoud bidhalika el masah ala al khuf. Ce qui est voulu par le fait d'effleurer ici, c'est le fait d'effleurer les chaussons et pas le pied directement comme on a vu. Rappelez-vous, on a dit plusieurs fois as-sunnatu mufassiratun lil Qur'an. La sunna vient expliquer le Coran. Une personne ne peut pas apprendre le Coran comme ça et le comprendre sans la sunna. La sunna vient expliquer le Coran. C'est vraiment impératif. Est-ce que dans la sunna, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a pratiqué le mess, donc le fait d'effleurer ses deux pieds directement? Non. Que sur les chaussons. Et donc, voilà la signification du verset. وكذلك يستفاد من الحديث وجوب تعميم اعضاء الوضوء فمن ترك جزءا من عضو لم يصح وضوءه ولم تصح صلاته ان صلى على هذه الحال. Et donc deuxième point parmi donc les leçons profitables de ce hadith, il y a l'obligation de mouiller, ou de, du moins, excusez-moi, l'obligation de généraliser tous les membres des ablutions. C'est-à-dire que tu dois, les membres qui doivent être lavés entièrement. Et les membres qui doivent être effleurés, comme la tête, doivent être effleurés entièrement. Celui qui va laisser une partie d'un membre sans le laver, ses ablutions ne sont pas valables. Et sa prière n'est pas valable s'il a prié dans cette situation. Et donc, tu fais tes ablutions, il y a la glace devant toi, tu as lavé tes mains, du moins ton bras, jusqu'au coude, et après, quand tu montes pour passer le, pour faire le mess, tu vois dans la glace, ici, c'est sec. Qu'est-ce que tu fais? Tu reviens. Faut pas que tu dises, ah non, j'ai déjà lavé la majeure partie du bras, etc. Non. Tu retournes et tu recommences cette partie et tu reprends donc à ce moment-là. أخرج أبو داود عن خالد بن معدن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Daoud cite dans son Sunan, selon Khalid ibn Ma'dan, selon certains compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. Authentique ou faible? On a toujours dit, donc, attention à la chaîne de transmission, il faut vérifier que les rapporteurs soient connus, qu'ils soient fiables, que, etc., etc. Hein? Mais il ne les a pas cités. Certains compagnons. C'est quel compagnon? Il n'y a pas besoin de les citer. Barakallah fik. Et donc, on a déjà vu. Les compagnons, s'ils ne sont pas cités, ce n'est pas grave. Pourquoi? Ils sont tous fiables. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah les a agréés et eux l'ont agréé. S'ils n'ont pas été cités, c'est pas grave. Ce sont des compagnons. Khalid ibn Ma'dan nous a dit donc que ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils disent que anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan fi qadamihi lum'ah qadra dirham lam yusibha al-ma' فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. Et donc ils nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui avait une petite partie de son pied qui était de la taille d'un dirham. Toute petite partie de son pied qui était de la taille d'un dirham qui n'avait pas été touchée par l'eau. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cet homme prier. Il lui a ordonné de refaire les ablutions et la prière. Il lui a ordonné de refaire les ablutions et la prière. Idhan, man lam yastaw'ib jami'a awda'i al-wudu, lam yasih wudu'uhu. وأيضا يفهم من هذا وجوب الموالاة. Et donc la personne qui ne va pas couvrir entièrement tous les membres des ablutions, ces ablutions ne sont pas valables. Et on comprend aussi de ce hadith qu'on vient de citer, l'obligation de al-muwala, c'est-à-dire la continuité. L'obligation de la continuité dans les ablutions. C'est-à-dire que tu vas faire chaque membre un après l'autre, sans laisser un espace de temps trop grand entre chaque membre. C'est-à-dire, tu commences tes ablutions... Ton téléphone, il sonne. Salam alaikum. Ouais, la baisse, alhamdoulilah, je suis à la mosquée, la baisse, etc. Tu continues, tu parles. Tu reviens 10, 15 minutes après et tu reprends tes ablutions là où tu les avais arrêtées. Et donc, là, il n'y a pas de continuité. Les ablutions, donc, pour faire les ablutions, il y a l'obligation de la continuité. Pourquoi ? لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء. Parce que le prophète il a ordonné à cet homme de reprendre les ablutions. لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره أن يغسل هذا العضو فقط. Si les ablutions n'étaient pas obligatoires, la continuité n'était pas obligatoire, le prophète il lui aurait dit juste de laver le membre qui était sec, c'est tout. Puisqu'il a déjà lavé les autres membres, il ne manque plus que celui-là. Il lui aurait dit, lave juste ce membre-là, yakfi, c'est bon, et après tu refais ta salade. Non, mais il lui a ordonné de refaire toute la salade. Et donc, la continuité est obligatoire. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدِ. Et cet avis, donc, qui stipule l'obligation de la continuité dans les ablutions, c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullah. أَمَّا الْإِمَامِ مَالِكِ. L'imam Malik, qu'est-ce qu'il dit ? En face de moi, il y a la majorité. La majorité, c'est des Malikis, je pense. Wallahu a'lam. C'est quel pays déjà ? Hein ? Gambie, c'est Malik. Maliki aussi. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit, Imam Malik ? Hein ? Al-Fawr ? C'est-à-dire, c'est obligatoire d'avoir la continuité ? Ouais. Tout le temps ? Comme l'imam Ahmed ? Non, c'est pas ce qu'il dit. L'imam Malik, il nous dit donc, wujubul muwala ma dhikr. Il est obligatoire d'avoir la continuité si la personne s'en rappelle. C'est-à-dire qu'elle fait ses ablutions. Et d'habitude, elle a la continuité. Elle applique les ablutions avec la continuité. Mais cette fois-ci, elle a oublié. Quelque chose s'est passé. Quelqu'un est tombé, par exemple, dans la salle d'ablution. Il est allé relever la personne, s'est occupé de la personne. Il faut l'amener à l'hôpital, etc. Une fois arrivé à l'hôpital, on reprend les ablutions là où on était. Il a oublié. Perturbé, pourquoi ? Un frère, il est tombé, miskin, ça l'a perturbé un peu, il a oublié. Et donc, l'imam Malik ici va nous dire que c'est permis. Pourquoi ? Parce que la continuité, elle est obligatoire, comptant sans rappel. Pourquoi ? Parce que جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطا والنسيان. Il était cité donc dans le recueil d'Ibn Majah selon Ibn Abbas رضي الله عنهما que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que le prophète il a dit ma communauté a été excusée concernant l'erreur et l'oubli. Il a oublié. Il n'a pas fait ça intentionnellement. Il a oublié. Et donc, que pensez-vous ? Hein ? C'est bien ? Alors, ils ont raison tous les deux. Mais il y a ces deux avis différents, là. Ben, ils ont le même argument. Mais est-ce qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre ? Hein ? L'imam Malik ? Khalas, Maliki. Et donc, yujab ou anhada, on va répondre par rapport à l'argumentation de l'imam Malik, rahimahullah, c'est que, na'am, man kana kadhalika, la yu'akhad. Quelqu'un qui est dans cette situation-là, il ne l'a pas fait intentionnellement. Il s'est trompé ou il a oublié. Il n'est pas châtié. Il n'est pas pécheur. La ya'fem. Il n'est pas pécheur. Pourquoi ? Parce que la communauté a été excusée concernant l'oubli, ou l'erreur. Et donc, il n'est pas pécheur. Mais par contre, il faut qu'il refasse ses ablutions. Deux sujets différents. Le premier sujet, est-ce qu'il est pécheur ? Le deuxième sujet, est-ce que ces ablutions sont valables? Et donc, il n'est pas pécheur. Pourquoi? Parce que la communauté a été excusée concernant l'erreur et l'oubli, mais par contre, il faut refaire les ablutions. Ah oui, la salade n'est pas bonne. Mais par contre, il n'est pas pécheur. Contrairement à celui qui le fait intentionnellement. D'accord? Et l'avis donc de l'imam al-Shafi'i et Abu Hanifa, c'est que al-Muwala n'est pas obligatoire. Et donc la continuité n'est pas obligatoire. Et l'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, c'est l'avis de l'imam Ahmed. Et donc par rapport au hadith qu'on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné à cet homme de reprendre toutes ses ablutions. On a encore un dernier sujet à voir concernant ce hadith, mais on va retarder ça à demain. Bi'idhnillahi ta'ala, je note ça ici. Comme ça, j'oublie pas. Et on reprend demain à partir de là. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fikum barakallah. Qui... Je rajoute qui dans la mémorisation? Il y en a qui sont enregistrés déjà. Je rajoute qui d'autre?